Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À la longue, on connaît bien la biographie de Sir Francis Blake et celle du professeur Philip Mortimer. Blake et Mortimer, quoi. On connaît moins, mais tant mieux, celle du colonel Ulrich, le méchant. Il faut dire que, depuis la mort d'Edgar P. Jacobs, les scénaristes des nouvelles aventures de Blake et Mortimer ont généreusement distribué les informations sur les blancs ou les non-dits. On sait plus de choses maintenant sur l'un et l'autre. Mais sur Edgar P. Jacobs, sur sa vie, sur son œuvre, que sait-on? Eh bien, il suffit de le demander. Une vie, une œuvre, Edgar P. Jacobs. Cette émission existe. Elle fut diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 février 2012. La voici. Minuit sonne dans le ciel d'Angleterre tout alourdi de pluie. Au bord de la Tamise, sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres découpe sa dure silhouette médiévale. À l'abri de ses murs crénelés, une ronde du Royal Fusiliers inspecte les sentinelles qui montent la garde autour de Wakefield Tower. Wakefield Tower, la tour où sont gardés les joyaux de la couronne. Soudain... Sergent ! Sergent ! Quoi, qu'est-ce que c'est ? Sergent, là-bas, devant la poterne de Saint-Thomas Tower. Oui, viens. La première fois que j'ai... Jacques Tardy, auteur de bande dessinée. Rencontrer Jacobs, rencontrer avec des guillemets, que j'ai pris contact avec son travail, c'était dans un relié de l'hebdomadaire Tintin. Alors je m'en souviens très très bien, en feuilleton, dans les 10 numéros, à peu près 10 numéros qui étaient reliés, passait la marque jaune. Évidemment, c'était pas le début, hein. Je me souviens plus des planches qui étaient réunies dans ce relié-là. Et donc voilà, la marque jaune. Alors j'ai regardé ça, je suis tombé en arrêt devant ces dessins qui n'avaient rien à voir avec les autres dessinateurs, les bandes dessinées que je lisais, qui étaient les petits fascicules de chez Artima, qui étaient des histoires d'aventure, etc. Ou même les autres dessinateurs de Tintin. Et plus tard, alors évidemment j'avais retenu le titre, hein, la marque jaune, plus tard j'ai vu l'album en librairie, dans la vitrine du libraire. Et j'étais là comme ça, je regardais ça, j'étais du trottoir, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans à peu près. La marque jaune, elle a eu un impact très fort sur les enfants qui lisaient le journal de Tintin. Benoît Mouchard, directeur artistique du Festival d'Angoulême. Et ça a été un vrai phénomène. Aujourd'hui, on dirait que ça avait vraiment créé le buzz dans les cours de récré, puisque les enfants traçaient à la craie la marque jaune partout. Voyez, sergent, sur le mur, ce dessin à la craie, la marque jaune. C'était accompagné aussi des disques. Et le texte qui était repris, alors ça commençait par « Minuit sonne dans le ciel d'Angleterre », je sais pas où ça se trouve. Bon, je me souviens parfaitement, on entendait Big Ben, les pas des grenadiers, hein. Et puis ensuite le rire de la marque jaune, etc. J'avoue que ça m'a impressionné énormément. Écoutez, là-haut, sœur, sur Bloody Tower, cette silhouette gesticulante. Poursuivez cet homme. Barrez toutes les issues. Il y avait dans cet album, évidemment, tous les ingrédients du mystère à la Fantômas, ces deux personnages qui habitent ensemble, Blake et Mortimer, qui vivent un petit peu comme Watson et Sherlock Holmes. Il y avait tous les ingrédients du mystère, le brouillard, le pavé luisant, la ville, etc. Et ce personnage... d'Ulrich, Guinea Pig, qui sème la terreur, avec le savant fou Septimus, etc. Peu d'albums de bande dessinée ont connu un succès aussi retentissant que La Marque Jaune, qui demeure aujourd'hui encore un classique incontournable. C'est avec cette aventure que le grand public découvrit l'intrigante signature d'Edgar P. Jacobs. les lecteurs de Tintin et autres amateurs de BD savaient, eux, que c'était déjà là la troisième aventure de Blake et Mortimer. Quelques-uns, les plus renseignés, se souvenaient même peut-être que c'est 10 ans plus tôt, en pleine Seconde Guerre mondiale, que Jacobs avait fait ses premiers pas dans la bande dessinée. Edgar Jacobs. J'ai rencontré quelqu'un donc qui était directeur artistique à Bravo. Bravo était, si vous voulez, l'équivalent de Tintin. Il tirait à 300 000 exemplaires avant-guerre, ce qui est donc une chose fantastique. Il était très très couru. J'étais engagé donc chez Bravo pour faire des illustrations de contes et de nouvelles. Et comme je connaissais bien l'histoire du costume, je me trouvais très à l'aise dans ce rôle d'illustrateur. Enfin, et il paraissait dans cet hebdomadaire une histoire de science-fiction qui était une des premières à apparaître en Europe, enfin, et qui s'appelait Flash Gordon d'Alex Raymond. Les Flash Gordon, il y avait de très jolies femmes qui étaient dessinées un peu dénudées, enfin. Philippe Biermet, président de la fondation Edgar P. Jacobs. On voyait par exemple les mamelons. Ben lui devait gommer les mamelons, parce qu'en Belgique, il y avait une censure énorme. C'était une fameuse série américaine qui avait un très grand succès, mais elle a été subitement stoppée par l'entrée en guerre des USA. Donc, on m'a demandé à ce moment-là, comme il avait été interrompu, de prendre la suite de Flash Gordon, ce qui était quand même assez culotté. Ce qui est drôle, c'est qu'au même moment en Italie, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, qui est Fellini. Fellini, avant d'être réalisateur des films qu'on connaît, a été auteur de bande dessinée. Et il est arrivé la même chose en Italie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de planches de Flash Gordon. Flash Gordon continue à apparaître. Il fallait la suite. Donc Jacobs et Fellini, chacun de son côté, a inventé une suite à Flash Gordon. Pour apprécier le piquant de l'affaire, je dois préciser que l'on n'avait pas la moindre idée du scénario original. Les tirés à part en noir et blanc nous arrivaient par petits paquets avec le texte anglais. Un point, c'est tout. Hein. Il a fait 4 ou 5 pages, je ne me rappelle plus, et il s'est arrêté là. Et le rédacteur en chef a dit « Mais c'est très bien, pourquoi est-ce que vous n'inventeriez pas une histoire complètement inédite ?» Donc il est allé dans un registre qui était un mélange de science-fiction à la Flash Gordon, qui est un space opéra, en fait, justement, avec un empereur qui est Ming, qui veut envahir la Terre. Et il a mélangé ça avec des éléments qui venaient de Jules Verne, mais aussi un peu de chevalerie, un peu d'imaginaire précolombien, et beaucoup de dinosaures. Et le Rayon U, en fait, les personnages du Rayon U auraient dû vivre d'autres aventures. Mais Jacobs, au même moment, était l'assistant d'Hergé. C'est Tintin était en noir et blanc, et Casserman voulait faire donc des albums en couleur. Donc Jacobs, qui avait prouvé par Flash Gordon et le Rayon U son don de la couleur, et Hergé, bon, a engagé Jacobs pour recolorier, retravailler les décors. Alors nous avons refait le Lotus Bleu. Et il me charrie un peu, il disait que j'étais terriblement chinois, c'était le moment de le dire, oui. Hein, oui. Pour les couleurs, et je voulais absolument obtenir le rouge, la laque chinoise, vous voyez, qui est un rouge un peu spécial. Et alors, c'était hilarant, enfin, de voir nos essais. Parce qu'à l'époque, la mise en couleur était faite sur des bleus. C'est-à-dire que l'éditeur fournissait au coloriste un tirage en bleu ou gris très très pâle, au format de parution, et la même planche sur un cello. La couleur était faite soit à l'encre, soit à la gouache sur ces bleus. Et quand on superposait le noir, on obtenait le résultat. Bon, après, ça passait entre les mains de l'imprimeur, et le petit vermillon dont vous étiez si content pouvait très bien sortir carmin. Bon. Ah oui, aux autres choses, c'était pas cette couleur-là. Et alors, il me charrie. Jacob et Hergé vont se rencontrer pour la première fois à la sortie d'un théâtre, probablement à la sortie de Tintin et le mystère du diamant bleu. Hergé et Jacob sont allés dans un caberdouche avec Van Melkebeck. Un caberdouche, c'est un petit cabaret. Ils ont sans doute bu ensemble une pinte de bonne bière, et ils ont commencé à discuter. Et donc finalement, il va arriver, je crois, fin 43 ou début 44, chez Hergé. Donc il travaille chez Hergé, dans le grenier d'Hergé, qui est transformé en atelier. Et il vient travailler une demi-journée par semaine, il prend le tram. Alors, le travail avec Hergé, bien entendu, fut aussi stimulant qu'instructif. Je faisais ces décors et ces coloriages. J'ai refait complètement les décors du sept autocar. Alors, il y a ces grandes scènes qui se passent dans la salle du trône, oui, et où il les a, oui, a dessinées tous. Voit, oui, on me voit, voit, on voit en cuirassier. C'est ça, ouais. Et alors, lui, ouais, avait un costume de chasseur. Je dis, tu veux que je te fasse un costume de chasseur? Allez, oui, un petit chasseur. Ouais. Alors, lui, il était en vert. Ouais. Alors, d'autres copains. Enfin, il y avait des peintres de notre connaissance. Enfin, tous des copains de nos relations. Enfin, ça fait, c'était très, très amusant, ces machins-là. Et puis, il va aussi participer à l'imagination des scénarios. En trio, donc avec Van Melkebeck, ils se réunissent donc soit à l'occasion de pique-niques qu'organise Germaine, la femme d'Hergé, qui est une bonne vivante, qui s'entend très bien avec Jacobs. Jacobs aime beaucoup chanter des grands airs de l'opéra en remplaçant le nom de l'héroïne par celui de Germaine, donc Germaine est très très contente. Et à l'époque, Jacobs est célibataire, sa première épouse vient de le quitter, donc il trouve un peu chez Hergé et Germaine à la fois un réconfort matériel parce qu'il peut travailler, mais aussi amical. À partir des sept boules de cristal et du temple du soleil, nous discutions le scénario, c'était fatal. Et alors là, j'émettais certaines idées qu'il a développées. Il y a par exemple des scènes comme la scène du wagon qui se détache et qui refile en arrière. C'est une suggestion que j'avais faite. Il n'y a pas le sentiment de travailler d'une manière professionnelle au scénario de Tintin. Mais Jacobs et Van Melkebeck vont contribuer ensemble aux sept boules de cristal et aux tombes du soleil. Et c'est vraiment, probablement, dans toutes les aventures de Tintin, celle qui est la plus jacobsienne. On retrouve des choses qui seront développées par la suite par Jacobs, à la fois dans le mystère de la Grande Pyramide et dans La Marque Jaune. Une influence un peu de romans d'énigmes comme Dipty Nègre, de romans gothiques aussi, il y a une ambiance gothique très particulière. Et puis il y a une histoire de malédiction. Messieurs, voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Ça, par exemple, au moment précis où je vous présente Raskar Kapak, l'orage éclate. Oui. Curieuse coïncidence. Mais la plupart des personnages Hergé ont été dessinés, créés vraiment de toutes pièces. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que les années passaient que j'y ai incorporé des traits venant de l'un ou de l'autre ami ou de personnes rencontrées, comme par exemple le capitaine Haddock, c'est en partie mon ami le dessinateur Jacobs, hein, qui est aussi bourru, qui a de grands gestes larges, à qui il arrive parfois des petits malheurs. Comme par exemple, quand Jacobs arrivait en vélo au studio pendant la guerre, là, un peu après la guerre, et alors il avait l'habitude de descendre la rampe du garage, et Germaine, donc l'épouse d'Hergé, avait placé le linge dans le garage qui pendait, et lui est arrivé dedans. Oh, voilà, aïe, oh. Voilà, c'est la farce classique, une pierre dissimulée sous un vieux chapeau, voyez, tenez. Et voilà les responsables là-bas, ces deux gamins qui sautent, vous les voyez? Garnement, attendez un peu, bandit, iconoclaste. Oh, oh, oh, oh, oui, oui. Au sortir de la guerre, Hergé et Raymond Leblanc, fondateurs des éditions du Lombard, décident de lancer un nouvel hebdomadaire pour la jeunesse, le journal Tintin. L'équipe est réduite, un rédacteur en chef, Jacques Van Melkebeck, et quatre dessinateurs, parmi lesquels Jacques Lodi. Ça a été un succès immédiat. Il n'y avait jamais eu d'hebdomadaire, en fait, qui s'appelait Tintin. De sorte qu'on peut dire que le leader incontestable a été Hergé. Mais rapidement, le succès et les appréciations sont allés également vers Jacobs et vers Cuvelier, qu'il ne faut pas oublier non plus. Cuvelier crée son héros Corentin. Lodi illustre la légende des quatre fils Aymon, cela fait beaucoup de Moyen-Âge, et Jacob s'est donc prié d'abandonner son projet initial de Roland le Hardy et de créer quelque chose de plus original et de plus contemporain. Le 26 septembre 1946, en 12e et dernière page du premier numéro du journal Tintin, les lecteurs découvrent la première planche du secret de l'Espadon. On est sur un aéroport, Il y a un avion dernier cri, je suppose, pour l'époque, peut-être même inventé. Et une nouvelle guerre semble se préparer. On sort de la Deuxième Guerre mondiale, les enfants sortent de la Deuxième Guerre mondiale, et Jacobs les replonge dans un nouveau conflit, la Troisième Guerre mondiale, qui opposerait cette fois des forces asiatiques à l'Occident. Aventurier sans scrupules, le colonel Ulrich s'est mis aux ordres de l'usurpateur Bassam Damdou, empereur du Tibet. Et c'est lui qui, à Lhasa, va donner le signal d'un effroyable cataclysme. Qu'est-ce que c'est l'espadon ? Quel est le secret ? Tout ça est assez mystérieux et surtout ni humoristique, complètement imaginaire, extrêmement réaliste. C'est sans doute pas prévu pour être une série, c'est un récit d'aventure. C'est pas du tout un récit pour enfants, en fait, le premier Blake et Mortimer, qui d'ailleurs n'est pas, on voit au-dessus de la planche, il y a une espèce d'annonce, il y a le titre, et on voit simplement Francis Blake et Ulrich, mais on voit pas Mortimer. Je vous ai réunis, messieurs, pour vous informer que, par ordre de l'empereur, l'attaque sera déclenchée cette nuit à 2h. Je pense qu'Ulrich, il est tout à fait représentatif de ce qu'Hitchcock disait sur les méchants dans les films, c'est-à-dire que pour qu'un film soit réussi, un suspense soit réussi, il faut vraiment que la personne qui fomente un complot ou quelque chose soit très consistante psychologiquement. Voilà, Ulrich obéit tout à fait à ça. Ulrich, c'est la classe, l'élégance, etc. Ses chaussures sont toujours bien cirées. Et puis bon, il est tout à fait démoniaque et il est bien évident que c'est vers lui qu'on va. Et c'était un personnage qu'il aurait pu incarner au théâtre. D'ailleurs, Jacobs posait pour Ulrich parce que tout un temps, il s'est laissé pousser la moustache comme Ulrich. Et Ulrich, je pense, c'est un personnage d'opéra. C'est Mephisto, quoi. Il a ce côté, c'est le tentateur, c'est celui qui divise, c'est un mercenaire aussi. Écoutez, Mortimer, vous êtes un homme aux idées larges, n'est-ce pas ? Alors, si nous parlions franchement, je suis au service des jaunes, c'est entendu, mais je reste quand même un occidental. Et je me demande si... Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est à la fois Mephisto et Faust, c'est quelqu'un qui... C'est un tentateur, et puis c'est quelqu'un qui signe un pacte avec le diable régulièrement. Vous disiez, colonel ? Je disais que je me demande si, en toute conscience, il ne serait pas de notre devoir de garder l'espadon pour nous, afin d'en faire, le moment venu, l'instrument de la libération mondiale. Je suis tout prêt à souscrire à cette noble entreprise, pourvu que nous en restions les seuls maîtres, vous et moi. Vous êtes un scientifique, Mortimer. Je suis un homme d'action. Nous sommes faits pour nous compléter. Qu'en pensez-vous, professeur ? Alors, bien entendu, ce mythe de Faust me poursuit encore maintenant. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mon premier contact avec l'opéra s'est fait à l'âge de 12 ans, et, au Théâtre des Galeries. Et c'était pendant la guerre de 14-18, ce qui ne me rajeunit pas. Et le premier opéra que j'ai vu était Faust. Ça a été pour moi une révélation. Enfin, je n'ai plus vu que ça. Enfin, c'est l'opéra. À cette époque-là, j'ai entraîné le fameux ami dont nous parlons toujours, qui est devenu plus tard le rédacteur-chef de Tintin, Van Melkebeek. Je l'ai entraîné à la Monnaie pour voir des opéras. Et nous faisions facilement, à cette époque-là, 5 heures de fil pour rentrer au théâtre. Et puis, on grimpait, je m'en rappelle très bien, quand on avait fini cette file, on passait à la caisse et on montait au paradis. Hein. Je ne sais pas, il y avait des escaliers. Et puis, assis là, dans cette place, dire « enfin !» Lui, sa vocation, c'était l'opéra. Donc, il voulait... chanter toute sa vie. C'est frappant quand on lit un opéra de papier, son recueil de mémoire. Il est encore en train de regretter, alors qu'il est à la fin de sa vie, de ne pas avoir été un grand chanteur d'opéra. Et donc, lui, quand il a eu son diplôme de chanteur de baryton, il s'est marié avec donc Nini. Elle était dans le théâtre aussi, elle jouait des petits rôles. C'est une fille qui était très très belle. Il a fait d'ailleurs quelques nues d'elle. Puis ils sont partis à Lille pour chanter à l'Opéra de Lille. Il a raconté que cette carrière était mirifique. En fait, elle a été pas très brillante. Il a fait une demi-saison à l'Opéra de Lille, et puis quelques cachets par-ci par-là en Belgique, mais enfin, il a jamais décroché de grand rôle. Le seul enregistrement qu'on ait de lui, où il joue un air de Faust, ne montre pas qu'il soit une très grande voix, mais en tout cas, lui, il y croyait beaucoup, et il est venu à la bande dessinée très tard. Quand je passais, je rentrais dans le théâtre, je sentais des courriers. C'est ça. Ouais. Dès la loge du concierge, il y a du courrier, enfin, a toutes ces choses-là, la clé du 6, des choses comme ça. Et ça, c'était là qu'on vivait. Alors, une autre chose qui, à mon avis, est aussi assez bizarre, j'aimais lire les pièces de théâtre. Or, la lecture des pièces de théâtre est assez rebutante et assez déroutante, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a toujours les mouvements de scène qui sont indiqués. Oui. Ces mouvements de scène avaient quelque chose de mystérieux. Il y a toujours, il sort par le fond, à la cantonade, il descend. Tous ces mots-là me semblaient bizarres, mais ça m'emballait. Là interviennent les fameux pavés de texte. Jacques Tardy. Qui sont peut-être un peu gênants. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant d'entamer la lecture du Secret de l'Espadon. C'était peut-être parce que Jacobs avait peur qu'on comprenne pas, il avait peut-être des doutes concernant la façon dont ces images seraient déchiffrées, lues par le lecteur, déchiffrées au niveau du dessin. Peut-être est-ce que c'était ça, j'en sais rien. C'est ce qui me gêne tant dans la bande dessinée, c'est que nous soyons toujours au stade du film muet. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur mes commentaires. On me reprochait ça au début. On me disait, mais à quoi ça sert de décrire une scène que l'on représente ? Et c'était simplement avec le souci de donner un fond sonore, au fond. Il y a une voix off chez Jacobs. Et la voix off, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne décrit pas, n'est pas redondante avec l'image. C'est pas vrai, en fait. Si on les lit, elle dit autre chose, elle exprime autre chose. Et c'est parce qu'il pensait probablement faire une sorte de littérature illustrée pour la jeunesse. Mais il n'a jamais pensé que la bande dessinée était une forme spécifique. Et souvent, les textes chez Jacobs racontent une chose qui n'est pas dessinée. Beaucoup de gens se sont moqués de... En fait, je crois que l'approche de la bande dessinée de Jacobs... Son originalité, elle tient au fait qu'il n'a pas compris la spécificité de la bande dessinée. Ça aurait pu être du roman. Hein. Mais bon, ça fait aussi partie du charme de cette narration qui d'une certaine façon prend son temps. On voit bien qu'il a besoin d'énormément d'images. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus délayé et des albums beaucoup plus épais. C'est un petit peu dommage de pas avoir des dessins plus aérés, plus grands. Le deuxième espadon, nous sommes perdus. Et il va y avoir un événement qui est l'apparition du premier album de Blake et Mortimer, le premier tome du Secret de l'Espadon, qui va être un bon succès de librairie. Le premier tirage s'est vendu très très vite. Et il semble que Hergé ait quand même pris peur de la concurrence que pouvaient représenter en librairie les albums de Blake et Mortimer. Raymond Leblanc, l'éditeur du journal de Tintin, qui était donc aussi le créateur des éditions du Lombard, qui ont publié le premier album de Blake et Mortimer, m'a raconté qu'un jour Hergé lui a dit « Ne me créez pas une concurrence inutile en publiant des albums qui vont rivaliser avec mon Tintin ». Mais il travaillait surtout aussi à la fin pour Voir et Savoir. Vous savez, ces chromos, c'était Philippe Biermet. Si je me souviens bien, c'était, je crois, avec les chocolats Jacques. Et alors, on avait des points Tintin. En échange de points, on avait un chromo qu'on collait dans un album. C'était une dispute, d'ailleurs, ces chromos avec Hergé, parce que, au début, Hergé était d'accord de mettre le nom de donc Hergé et Jacobs. Et puis, Hergé n'a plus voulu qu'on mette le nom. Et alors, Jacobs a râlé parce qu'il dit « c'est moi qui fais tout le travail ». Comme l'Espadon avait bien marché avec la pyramide aussi, il se dit « Hergé, je ne travaille plus pour Luc ». Et dans ses lettres, on retrouve ce malaise qu'il y a sur le plan financier. Donc, il reproche à Hergé de ne pas lui donner ce qui lui est dû. Et la cassure est comme ça, à la suite de ça. Mais ils sont malgré tout restés des amis. Dans le futur, ça a été les studios Hergé qui ont fait les coloriages pour Jacobs. Au début des années 50, Jacobs voit donc sa carrière d'auteur de bande dessinée décoller. Ceci l'écarte définitivement de l'opéra, mais le lie à ce qui a tout de même été l'autre grande passion de sa vie, le dessin. Cette passion prend naissance à l'école primaire, pendant les premiers cours d'histoire du jeune Edgar, et se développe au long de l'enfance et de l'adolescence. Elle est partagée avec l'ami de toujours, Jacques Van Melkebeck. Edgar Jacobs. Comme toutes les causes de mon âge, je raffolais des illustrés pour la jeunesse, que j'acquérais d'ailleurs d'occasion à raison de 5 numéros dépareillés pour 10 centimes. Et j'entends encore le Camelot dans le calme des après-midi de dimanche, où il y avait donc, à part un phono très lointain, c'était le silence absolu donc, où j'habitais. Et alors j'entendais le bonhomme qui approchait, qui disait « La collection complète, les 5 numéros différents pour 10 centimes, demandez la collection complète !» Et alors, quand je parvenais à avoir les 10 centimes en question, j'allais acheter ça. Leur histoire me semblait d'autant plus mystérieuse que je n'en lisais qu'une fragment et que je ne savais ni le commencement ni la fin, puisque c'était des morceaux dépareillés. Mais déjà, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion donc de voir des bouquins illustrés, par exemple, par Gustave Doré, par Carandache, par Raffet. J'avais une histoire sur Napoléon et sur Waterloo en particulier, illustrée par Raffet, qui était remarquable, tout à fait épatant. Alors, il y avait évidemment le sommet de toute la lecture, c'était le grand Larousse illustré, donc, ah oui. Les 7 Larousse. Hein. C'était l'océan de savoir. Ouais, c'est la somme de tout. C'est la somme de tout, enfin. Jacobs est né dans une famille très simple. Benoît Mouchard. Son père était un fils de paysan, il était policier. Sa mère vendait des légumes, puis après est devenue ménagère. C'était un milieu très simple où il y avait relativement peu de lecture. Son père, qui était quand même quelqu'un de très cultivé, voulait qu'il soit dans l'administration. Parce que, en tout cas en Belgique, on disait quand t'es dans l'administration, t'as la sécurité de l'emploi, on peut pas te mettre dehors, t'as une bonne retraite. Donc c'était un peu l'esprit en Belgique. La seule récréation qu'on me laissait était le dessin. Et je me rappelle très bien que les tout premiers dessins que j'ai faits, donc à l'encre de Chine, et avec une plume à dessin, mon père me les a apportés. Vous savez, comme on va faire. C'était presque l'adoubement du dessinateur, l'encre de Chine. Il a rencontré son ami d'enfance, Jacques Van Melkebeck, dans une école où on mettait les enfants qui étaient destinés à devenir des gratte-papier, disons des tâches vraiment subalternes. Même Van Melkebeck, c'est un, comme on dit à Bruxelles, un quête de la rue, des Marolles, c'est un Marolien. Les Marolles, c'est le quartier, je veux dire, à l'époque un peu très pauvre, très... Et eux, ils se rêvaient aristo carrément, mais aristo romantique, quoi. Donc il s'habillait, Jacob s'habillait avec des grands chapeaux, des capes, il avait une canne, c'était une espèce de dandy gothique. Bon, aujourd'hui, on dirait que c'est un gothique, quoi. Il avait cheveux longs, noir corbeau, et on les imagine tous les deux sortant de Caligari, complètement excités. Et il faut quand même souligner le courage qu'ont eu ces deux jeunes garçons donc Jacobs et Van Melkebeck, issus de milieux très simples, de convaincre leurs parents de les inscrire aux Beaux-Arts pour faire quelque chose quand même d'un peu, j'imagine, complètement inimaginable pour ces gens. Et en fait, les Beaux-Arts à l'époque à Bruxelles, l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, les profs sont des symbolistes, en fait, enfin des post-symbolistes. Et donc, les profs qu'ils vont avoir sont des profs qui sont complètement à côté de la plaque de la modernité. Jacobs est étudiant aux Beaux-Arts dans les années 20. Je pense pas du tout qu'il ait entendu parler du Bauhaus ou de Picasso ou de Kandinsky ou de Paul Klee ou de tout ça. Hein. Ce qui les intéresse, que ce soit Van Melkebeck ou Jacobs, c'est Ingres, c'est Delacroix. Je m'étais découvert à un certain moment ma vraie vocation, mais alors là, la vraie, c'était peintre d'histoire. Je me voyais faire ces grands machins, vous savez, comme il y en a encore au musée moderne, c'est-à-dire la prise de Jérusalem par les croisés, le compromis des nobles, la révolution de 1830, enfin des histoires comme ça, d'ailleurs qui sont d'ailleurs très très bien peintes, il n'y a plus personne qui pourrait faire ça actuellement, mais enfin, maintenant on appelle ça pompier, bien entendu. Mais moi je me voyais faire ça, je me rappelle très bien, je me voyais faire des grandes batailles, je faisais d'ailleurs des croquis, la Saint-Barthélemy était une de mes œuvres favorites, et donc vous voyez, nous sommes loin de la bande dessinée à ce moment-là. Et en attendant de me décider, donc, il fallait gagner la matérielle. Alors j'ai fait du dessin de dentelle, ça se faisait encore à ce moment-là, des broderies, etc. Puis du dessin de bijoux et d'orfèvrerie. J'ai fait de la retouche photographique. J'ai fait, enfin, l'illustrateur de catalogue. À ce moment-là, les grands magasins n'employaient pas encore la photo. Et d'ailleurs, le dessin était beaucoup plus flatteur pour les objets qu'on avait à présenter. Alors, en somme, j'ai travaillé comme un esclave là, pour une sorte de négrier qui avait, lui, la clientèle de tous les grands magasins de Bruxelles. Et en fin de compte, c'était une excellente école de dessin et de modestie, parce qu'on devait prendre la peine de dessiner, par exemple, un escabeau, un verre, une soupière. On devait y mettre autant de soin que si on dessinait une Vénice de Milo. Et pour finir, c'est un bon exercice, enfin. Et je me suis félicité de l'avoir fait par après. J'aimais beaucoup aussi le mystère de la Grande Pyramide, parce que tout le bazar égyptien, là, toute la statuaire égyptienne, bon, ça marche tout seul. Pardon, nous descendons tout de suite. Vous devinez, je suis comme un enfant à l'été de vous montrer mes trésors. Voilà l'escalier passé, professeur. Écoutez, docteur, j'aimerais d'abord vous dire quelques mots. En vérité, la visite de votre collection n'est pas le seul motif de ma venue ici. Vase, qu'y a-t-il donc? Nous ferons ça plus tard. J'ai un tel choix de vous montrer mes momies. Auriez-vous peur de l'ambiance, professeur? Ma chambre des morts vous impressionne? Bon, nous descendons. Le seul album qui est en ligne claire, c'est la pyramide. Parce que Casterman voulait imprimer la pyramide. Et chez eux, c'était une obligation, c'était la ligne claire. La ligne claire, c'est un fil de fer. Mais quand vous regardez, il n'y a pas deux albums qui sont les mêmes chez Jacobs. Et Jacobs, il n'y a que la pyramide qui est un trait comme un fil de fer. On a parlé de ligne claire par rapport à Hergé, par rapport à l'école belge, où effectivement, le trait est tout à fait fermé, défini, etc. Il n'y a pas d'ombre portée non plus, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de zone d'ombre dans lesquelles on peut imaginer que l'imaginaire, précisément, va s'engouffrer. Moi, je vois moins Jacobs dans ce genre-là, parce que, précisément, il y a ces ombres portées, ça change tout. Ça change absolument tout. Tout d'un coup, les personnages sont plus vivants. Ils sont dans un espace qui est défini, mais pas de et qui joue un rôle. Alors que chez Hergé, c'est un aplat, qui est un plancher, une moquette, je sais pas quoi. Ici, un dispositif de sécurité. Voyez cette grille. Pourquoi l'actionnez-vous? Il Et maintenant, haut les mains, Mortimer, assez présenté. Ulrich ? Lui-même. Ces grosses Grabenstein, c'était vous ? Herr Docteur, le voilà. Une barbe, des moustaches, des lunettes. Quant aux momies, vous allez les voir, Mortimer, et de très près. Il écrivait d'abord des quelques idées, il faisait un premier synopsis, et puis son scénario, et puis il faisait des recherches. Et puis il demandait à des gens comme par exemple Pierre Gilbert, qui était l'égyptologue reconnu à Bruxelles, des renseignements qui lui rigolaient un peu parce que, bon, pour eux, à l'époque, la BD, c'était du truc pour gamins, c'était pas sérieux. Mais Jacobs lui prenait ça au sérieux. Dans la pyramide, Jacobs avait demandé à un égyptologue de lui traduire un texte en hiéroglyphe. Et lui, il a mis ce texte sur une pierre qui vient d'une tombe ou d'un monument, qui donne une indication pour trouver qu'il existait une chambre secrète. Et donc, il a créé cette pierre qui est vraiment tellement bien faite que tout le monde croit que cette pierre existe. Parce qu'il a eu quelqu'un qui avait été demandé à un gardien où se trouvait la pierre de Maspero. Mortimer, voyez, la passerelle a disparu. Il faut descendre dans le fossé. Voyez, Ulrich, il est comme fou. Le diable t'emporte, maudit pharaon! Avant de mourir, je broierai ta momie avec cette hache! Je la réduirai en poussière! Tiens! Arrête! Abdelrazek! Ah, c'est toi, vieux forban! Ce sont des tours de magie alors! Mais je ne suis pas charqué, moi! Tu vas voir! Aorus! Demeure! Ah! Plus jamais tu ne retrouveras la mémoire! Jamais. Que ton nom ne soit plus. En fait, le grand succès des auteurs de bande dessinée pour la jeunesse de la grande période franco-belge, c'est-à-dire des années 40 jusqu'aux années 60, c'est que ce sont des gens qui croyaient vraiment à ce qu'ils racontaient. Ils n'étaient pas dans l'autodérision, ils n'étaient pas dans le postmodernisme. Et surtout, ils n'étaient jamais plus malins que leurs personnages. Ils n'étaient jamais plus malins que ce qu'ils racontaient. J'ai ici quelques documents qui ne sont pas encore d'ailleurs classés et qui me permettent donc de dire que la mère de Mortimer s'appelait Lady Helen, qu'elle était du comté de Perth, que la résidence familiale était Craigallan Cloch, hantée par le fantôme de Sir Randolph. C'est très précis. Ah oui, oui, oui. Aucun manoir n'aurait de valeur en Angleterre sans son fantôme. Oui, alors le père s'appelait Archibald Enevas, originaire de Falkland, dans le Perthshire. Et il était médecin militaire, major, dans l'armée des Indes. Philip Edgar Mortimer, donc, son nom complet, Philip Edgar Angus Mortimer, est né à Simla, dans les Indes. Mortimer n'a pas le physique du héros traditionnel. C'est pas, bon, il est ventripotent, c'est pas le beau garçon qu'on avait l'habitude de voir dans les bandes dessinées, qui était soit cowboy, soit pilote de voiture de course ou d'avion, ou je ne sais quoi. Disons que Blake, c'est plutôt l'homme sérieux, qui va jamais rigoler, son travail passe avant tout. Mortimer, c'est plus le savant, qui est plus souple, plus humain, je vais dire, que Blake. Je me demandais si Blake était absolument indispensable. Or, j'ai remarqué ceci, c'est que Blake est en somme le complément de Mortimer. Ni numéro 1, ni numéro 2, ces deux personnages sont égaux. Il est vrai que la forte personnalité de Mortimer en fait une sorte de sparring partner. Pourtant, lorsque j'ai tenté justement de l'éloigner par expérience dans le piège diabolique, Blake m'a été réclamé avec insistance et c'est donc qu'il a sa raison d'être. Blake et Mortimer, c'est des gens qui sont dans un circuit un peu douillet, dans le sens, ils vont toujours dans des clubs privés ou ils sont dans un beau quartier. Mortimer prend le train en première classe. Donc, on voit jamais dans son œuvre qu'il parle du peuple, tout ça, parce que il a quand même connu la pauvreté, donc il rêvait d'un monde, disons, différent. Comme vous le voyez, l'homme à la marque jaune n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il semble agir dans un but déterminé, qui nous échappe encore, mais qui, je le crains, pourrait se révéler terrifiant. C'est pourquoi le Home Office m'a délégué auprès de Scotland Yard pour mener l'enquête auprès de l'inspecteur chef Kendall, et j'ai pensé à votre collaboration. Vous avez très bien fait, Black. Ah, mais voici nos amis. Venez, Mortimer, que je vous présente. Leslie McCumber, rédacteur en chef du Daily Mail. Oh, lui, d'où ? Professeur Raymond Vernet, président de la British Medical Association. Ah, lui, d'où ? Docteur Jonathan Septimus, attaché à l'Institut psychiatrique. Ah, lui, d'où ? Passons dans la salle à manger. Le professeur Mortimer sera des nôtres ce soir. Ah. Mais qu'est-ce qu'il avait d'anglais, Jacobs, ouais, dans son caractère ? Rien, moi je trouve. Non, c'était le bon bruxellois qui était fier de l'être. Mais il avait un peu une admiration pour l'empire, je veux dire, britannique. Jacobs est anglophile à travers la fiction. Il a lu Conan Doyle, donc le professeur Challenger d'ailleurs est un modèle de Mortimer. Il a lu H.G. Wells, il a lu beaucoup d'autres romans, il a lu Kipling, il adore Kipling, mais c'est pas un vrai anglophile, en fait, c'est vraiment un Belge, il est plus bruxellois que Jacobs, c'est pas possible, quoi. Et quand il débarque à Londres, c'est vraiment en Belge qui n'est jamais sorti de sa Belgique. Tout est organisé par l'agence Havas, je crois, tout est prévu. Bonsoir. Oui, c'est un principe, je rentre toujours du club à pied. Et toujours par le même chemin. Mais oui, oui, oui, Septimus, c'est une excellente discipline. Par exemple, vue où on voit Vernet qui rentre chez lui, j'ai vu ce spectacle, c'est-à-dire une ou deux personnes éloignées l'une de l'autre de 500 mètres au minimum, et un bobby qui se promenait, tout ça dans le silence, avec le bruit des pas qui résonnaient sur les dalles. Et le professeur Vernet poursuit seul son chemin. Le voici qui traverse New Oxford Street. Il passe devant un policeman. Il tourne dans Coptic Street. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Un enlèvement ! Je n'ai vu que cette voiture là-bas ! Oh, regardez ! Par terre ! La marque jaune ! Il est impossible de s'imaginer Londres de loin, avec tous les documents même. Il fallait être sur place et sentir l'atmosphère de Londres. Et le malheureux Jacobs, en fait, arrive à Londres. Il espérait découvrir un Londres noyé dans la brume du fog. Et il espérait retrouver les mystères de Londres, j'imagine. Et il arrive en pleine canicule, il fait une chaleur épouvantable. Et il fait ses repérages transpirant. Et il va revenir, en fait, avec une séquence manquante. Parce qu'il n'a pas le temps d'aller sur le bord de la Tamise pour voir les docks. C'est une des séquences fortes, quand même, de la marque jaune. Et en fait, ce qu'il va dessiner, c'est pas le port de Londres. C'est le port de Bruxelles. La marque jaune a démarré d'une façon foudroyante, c'était un succès immédiat, une vraie folie. Et pourtant, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on le tienne jusqu'au bout. Dès le début, ça a commencé. J'avais une petite illustration qui faisait 1,5 cm/2, pas plus, donc en grandeur de parution. Et il s'agissait donc d'un journal, d'un hebdomadaire, que le docteur Septimus avait à la main. Et ce petit magazine, enfin, représentait une ballerine du Covent Garden assise en tutu sur un panier de costumes. Et tout le monde sait le côté chaste au fond d'un costume de ballerine classique. Enfin, bon, mais lorsqu'on a découvert ça chez Tintin, alors que ça devait sortir de presse, enfin, c'était vraiment l'affolement. Hein. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il a fait ? Jacob, c'est un cochon. Or, ils ont voulu... comment, il était trop tard pour recommencer, hein, ou pour supprimer, parce que le planning de l'imprimerie était là. Alors, ils ont dit, mais on va tramer les jambes, pour qu'il n'y ait pas des jambes nues. Encore une erreur. Ils ont tramé les jambes, mais c'était pire, parce que ça faisait des bas noirs, ça faisait Moulin Rouge, Gay Paris, donc c'était foutu. Alors, pour finir, complètement, ils étaient complètement affolés, ils ont décidé de tramer le tout. Ça fait que On voyait vaguement un personnage et tout. Et pourtant, ça a suffi à provoquer l'ire d'un bon père recteur à Paris qui a écrit donc, chez Tintin, disant que si on voyait encore une image aussi obscène dans Tintin, il interdirait la lecture du journal dans son collège. Dans La Marque jaune, il y a une vraie densité littéraire. 3 heures du matin. Après cet entretien, Black et Mortimer se sont couchés. Et lentement, silencieusement, un homme pénètre dans la maison par le toit. Bon, l'arrivée de... Un homme étrange. D'Olric. On ne voit pas le visage dissimulé par un serre-tête. Qui descend par le... Une grande la gouttière. Un chapeau rabattu sur les yeux. Dans cette page, donc c'est la planche 23, La Marque jaune. Seconde, comme un automate, et donc voilà là, c'est la planche où Guinea Pig, je crois que Jacob se prononçait Guinea Pig, mais enfin bon. Olric, La Marque jaune, pénètre dans l'appartement de... Il descend l'escalier. De Blake et Mortimer. Et il est dans un couloir, il descend des marches, il entr'ouvre des portes et il se retrouve dans le salon de Blake et Mortimer, où sont entreposés les souvenirs de leur voyage. Voici dans le hall, et ils se retrouvent en fait face à une tête d'Amenophis qui apparemment a une puissance tellurique importante puisqu'elle le fige. Ah, il a peur, il titube. Tous les souvenirs de Blake et Mortimer, les statues, les sarcophages rapportés des Indes et semblent s'animer. Ça, c'est une espèce d'indice subtil pour le lecteur. Que cette marque jaune a peut-être un lien avec une précédente aventure de Blake et Mortimer. Mais pour le moment, on ne sait pas. Ça reste mystérieux, énigmatique. Et c'est une planche très jacobsienne. Je disais, ce qui différencie Hergé de Jacobs, c'est que Tintin court toujours. Les personnages de Jacobs marchent très lentement. Et là, on a même l'impression que c'est un danseur qui se meut dans l'espace, il y a toute une chorégraphie, il y a une espèce de lenteur dans cette page. Les mains en l'air ! J'ai 2 mots à vous dire, Marque jaune ! Qui a éteint ? C'est vous, Black ? Black ! Qui a éteint ? L'homme dont les lunettes semblent soudain flamboyer avance vers Mortimer, qui l'avait surpris. Halt ! Un pas de plus et je tire ! Par exemple, là, la façon dont on a Olric qui est dans des reflets, un éclairage rouge... Alors que Mortimer est en pyjama vert, le tout sur un fond bleu, sombre, etc. C'est vrai que l'ambiance fonctionne tout à fait bien. J'ai blessé Mortimer. Non, mais tirez, Black, pour l'amour du ciel. Je ne comprends pas, je me suis senti jeté à terre. Il saute par la fenêtre. La fenêtre fermée. C'est le diable en personne. Et voyez-le dehors. J'ai encore 2 balles. Ah, inutile, Black. Les balles ricochent sur lui. Il travaillait surtout la nuit, lui. Le matin, il ne fallait pas le déranger. Et alors, il avait une table de repos. Il travaillait surtout sur calque. Parce que c'est une pratique de la publicité. En publicité, on travaillait beaucoup sur calque avant de faire le définitif. Et comme lui a travaillé pour les grands magasins, la bourse et autres, il a pris cette habitude de dessiner sur calque, ce qui est une bonne idée parce que chaque case était mise en page. C'est pour ça que quand vous regardez les histoires de Jacob, c'est vraiment tout est bien structuré, il y a l'équilibre entre les blancs et les noirs, tout est bien construit, même la couleur, tout est bien étudié. La salle de lecture de la, c'est quoi ça ? Il dit le musée. British Museum. Il y a tous les livres dans le fond sur les étagères. Oui. C'est très rigoureux. Il n'y a pas de mauvais raccord. Tout est bon. Là, on passe, on a un plan général. Il s'adresse à ce type-là. Bon, contre-champ, on est du côté du gars. Bon, le décor est parfaitement raccordé. Les bouquins changent d'échelle en fonction de l'éloignement. C'est impeccable à ce niveau-là. Mais tout ça est un travail énorme. Parce que quand il avait fait sa planche sur calque, avec tous ses détails, toutes ses précisions, il recopiait ça sur du papier dessin, et alors il faisait donc son crayon, plus après sa mise à l'encre. Et la mise à l'encre pour Jacob, c'était une plaie. Pourquoi ? Parce que le crayon, c'est un instrument, je vais dire, très souple, mais la plume, c'est... Je comprends qu'il n'ait pas aimé ça, parce qu'on a l'impression qu'il ne devait pas y avoir un très grand décalage entre le crayonné et l'ancrage. La mise à l'encre, c'est ça. Bon, dessin au crayon, on gomme, on corrige, on reprend, et puis on le met au propre, entre guillemets, en ancrant. Alors, ça, c'est toujours un petit peu ennuyeux, parce qu'on repasse sur un trait. L'intérêt, c'est, à la mise à l'encre, de continuer à évoluer, de continuer à faire vivre le dessin. Les originaux de Jacob, c'était très, très propre. Alors, regardez. Alors là, regardez. Ce personnage n'a que quatre doigts. Vous voyez, donc, il l'avait crayonné comme ça, il l'a ancré comme ça. Bon, il manque un doigt. Vrai ou faux ? Ouais, ouais. Bon, page 71 du tome 2 de l'édition de 53. Je suis tiraillé entre la rigueur du trait et en même temps la liberté d'expression. C'est-à-dire, j'aime la vie, par exemple, mes dessins que je ferai plus tard sur l'illustration de la guerre des mondes. Oui. Voilà une façon de dessiner qui m'intéresse beaucoup plus que celle du dessin rigoureux de la bande dessinée, qui m'est imposée par le mode de reproduction. Mais si je n'avais pas cette obligation-là, je dessinerais comme les dessins de la guerre du monde. Ce sont des lavis ou moins le fusain, le crayon, surtout le crayon. Oui. Je déteste la plume, enfin. J'ai essayé mille fois à reprendre le crayon. Là, je me faisais chaque fois estourbir par les gens de l'imprimerie. Mais j'ai essayé d'introduire le crayon presque de force dans l'espace. Donc, je peux vous montrer des pages entières qui ont été traitées au crayon. Hello, old man. Hello, Francis. Comment vous sentez-vous? Pas trop fatigant, ce petit voyage? Jacob n'aimait pas la BD. C'était un homme d'opéra et la BD, c'était, comme il disait, alimentaire, quoi. Et même le journal Tintin, quand il ouvrait le journal Tintin, s'il n'était pas dedans, il n'ouvrait pas le journal Tintin. Ça l'intéressait pas. Ça donne le sentiment qu'il a vécu la bande dessinée comme une malédiction, comme une damnation, comme quelque chose qu'il aurait jamais dû faire. Il n'a pas compris que c'était grâce à ça qu'il allait passer à la postérité. Qu'est-ce que la postérité pensera de vous ? La postérité ? Pour ça, je suis fixé. Je l'ai lu dans un document du milieu du 22e siècle. Oh. Une sorte de Dr. Faust, génie pour les uns, charlatan pour les autres. Voilà l'opinion de la postérité. Et quelle conclusion rapportez-vous de cette aventure, professeur Mortimer ? Oh, la morale qui s'impose. Ne nous plaignons pas des mauvais côtés de notre époque, il en a de bons. Et qui sait si un jour, en l'évoquant, nous ne dirons pas « c'était le bon temps ». Il y a une décadence quand même de Blake et Mortimer, du vivant même de Jacob. Quand même, l'énigme de l'Atlantide est pas mal. Donc après, nous avons SOS Météor, le piège diabolique. Ça commence, à mon avis, là, ça commence à baisser un petit peu. L'affaire du collier, c'est pas terrible. Et après, c'est la fin. Hein. En fait, il y a une traversée du désert étrange entre le piège diabolique et l'affaire du collier. Il y a plus de 4 ou 5 ans qui se passent où Jacob n'arrive pas à dessiner, n'arrive pas à se mettre au travail. Et pourtant, il a besoin d'argent. Hein. Il vit pas sur un grand pied, comme on dit. Il vit retiré. Dans une toute petite maison, enfin le bois des pauvres, quand il le décrit dans ses mémoires, on a l'impression que c'est un manoir, c'est une toute petite bicoque. C'est-à-dire que sa deuxième épouse, Jeanne, était très jalouse. Et Jacob, qui était un homme qui était quand même, qui avait un succès près des femmes, tout ça, et ils habitaient Bruxelles, donc ils ont décidé, enfin elle a un peu poussé, d'habiter loin de Bruxelles. Et en fait, le piège diabolique a été interdit d'exportation en France parce qu'il y avait donc une commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse qui avait jugé que ce livre était trop effrayant, que ça pouvait donc ne pas convenir aux enfants. Donc Jacobs, à partir du piège diabolique, va être dans une impasse d'inspiration, c'est-à-dire qu'il va devoir renoncer à cette anticipation qui est sa marque de fabrique, qui fait effectivement appel à l'angoisse. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter s'il ne peut plus avoir recours à son imaginaire de prédilection? Et moi, je pense que Sato 2, s'il n'a pas fait Sato 2, c'est parce qu'Herman McCormick est mort en 83. La fin de sa vie est quand même un petit peu triste parce qu'il vit très isolé de Bruxelles, très isolé tout court de ses amis, qui soit sont morts, soit sont malades. Et alors, en décembre 86, il a décidé de plus manger. Et alors je dis, écoute Edgar, c'est parce qu'il était en forme. Et il buvait uniquement. Plus le goût de rien. Il m'avait dit, il n'y a au fond rien après, parce qu'il avait fait un accord avec Jacques Van Meckebeek en lui disant, le premier qui part revient d'une certaine façon de l'au-delà pour dire où commençait. Et puis il dit, il n'est pas venu. Donc il dit, il n'y a rien. Ça me fait 60 ans de travail alimentaire, mais 40 ans de bande dessinée, rien que pour la bande dessinée. Alors, si on fait le bilan, bof. Ce qui est sûr, c'est que le facétieux scénariste qui préside à ma destinée m'a eu à l'usure. Mais bon gré, mal gré, j'ai dû m'adapter à son script. Et je dois reconnaître que le rôle qui m'a finalement assigné aurait pu être pire. Parce que, en somme, grâce à ce métier, il m'aura été accordé ce rare privilège d'être à la fois l'auteur, l'interprète et le metteur en scène de mon opéra de papier. C'était Une vie, une œuvre, Edgar P. Jacobs. Merci à Benoît Mouchard. Je crois que Ulrich est baryton, mais je peux me tromper. Jacques Tardy. Pour en terminer avec Blake, il n'est pas très intéressant. Et Philippe Birmet. Et Mortimer, c'est un type qui aime les femmes. Merci également à Hervé Evano et Mathilde Hureau de l'INA. La majorité des archives que vous avez pu entendre sont issues d'un entretien avec François Rivière de 1975, diffusé pour la première fois sur France Culture en 2003 dans l'émission Mauvais Genre de François Angelier. Mixage Olivier Dupré, attaché d'émission Laurence Genepin. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 février 2012.